Page 6. Les révisions. Je ne fais pas de bruit quand je me réveille, mais je réveille tout le monde. Qui suis-je ? Le soleil.